colique de l'œsophage. Le cloporte a semé le pasteur dont la molécule n'a plus le coude assez sec pour jouer de sa guimbarde comme le son montait et nous recommençait d'une politesse accoutumance. Au fil des passages avides, le joueur intestinal manquait de clarté vis-à-vis de sa magnétique soutane. Le ululement de la chose orbitait, miaulait crevasse, dont la molécule n'a plus le coude assez sec pour jouer de sa guimbarde comme le son montait. De la chose orbitait, miaulait crevasse, tandis que la méduse du puits tenace infiltrait ses peignes genoux en bordure des fesses de l'oiseau cactus. Je compris que j'étais sourde depuis longtemps. Face aux intempéries post-neige, puisque l'étendue était souillée et que les manches retroussées, prises dans un filet, jouissaient d'une courte haleine. Le cloporte a semé le pasteur. Dont la molécule n'a plus le coude assez sec pour jouer de sa guimbarde comme le son montait. Et nous recommençait.